insecte sous l'écorce et la pierre, qui se délecte d'une feuille de lierre, et se balade entre le ciel et la terre, sans rien savoir de l'homme, du doute et de la foi, au matin d'un printemps. La vie est là, toujours la vie est là, la vie est là, toujours la vie est là. Et quand elle nous transperce, quand elle nous renverse, sans s'excuser, quand elle nous a ri au nez, rire en cascade, rire à pouvoir s'y baigner dans le miroir de l'autre, pour y puiser la joie d'un matin de printemps. La vie est là, toujours la vie est là, la vie est là, toujours la vie est là. La vie est là dans le geste d'un enfant, la vie est là dans le souffle des amants. La vie est là et la vie prend son élan, la vie est là dans la sève et dans le vent. Comme un regard venu de loin par hasard, s'inscrire au creux de nos chagrins, un regard comme un arbre jaillit du sol au jardin de nos rêves lunaires, déshabillés par la pluie au matin d'un printemps. La vie est là, toujours la vie est là, la vie est là, toujours la vie est là. Comme une étoile de lumière et de sang, comme un appel éphémère et si présent, comme un cœur qui bat et s'affole aux frontières de ce ventre de chair, quand vient la fin de sa nuit au matin d'un printemps. La vie est là, toujours la vie est là, la vie est là, toujours la vie est là. La vie est là dans l'ombre et dans le silence, la vie est là et nous invite à sa danse. La vie est là dans tous les cris qu'elle lance, la vie est là et coule sans qu'on y pense. La vie est là, toujours la vie est là, la vie est là, toujours la vie est là. Chante-moi ta chanson, chante ce frisson, donne le la, donne la rime à ma voix. Laisse les notes se glisser sous tes doigts et jouer toutes les couleurs, toutes les odeurs d'un matin de printemps. La vie est là, toujours la vie est là, la vie est là, toujours la vie est là. La vie est là et c'est pour ça que je chante, la vie est là, improbable et si patiente. La vie est là, passant comme une eau courante, la vie est là depuis longtemps qui s'enfante. La vie est là, toujours la vie est là, la vie est là, toujours la vie est là. La vie est là, toujours la vie est là, la vie est là, toujours la vie est là.